Bonjour, frères et sœurs. Ce lundi de Pâques, nous sommes de retour et nous voulons continuer l'étude ensemble de notre évangile de Jean. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voulons nous arrêter encore une fois dans cette belle évangile, cet évangile qui veut nous montrer que ton Fils Jésus était bien Dieu fait chair. Que ton Fils Jésus, qui s'est incarné, est venu pour toi, pour te glorifier, pour que tu sois connu et exalté par la race humaine. Que ton Esprit Saint puisse nous guider ce matin encore une fois, et qu'on puisse tomber sur notre face, avoir la même réaction que l'aveugle né va avoir, qui est l'adoration. Donc, guide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par, comme on a dit les autres fois, on va mettre les décors en place afin de pouvoir visualiser autant que possible la scène et de capturer la grande vérité que Jésus va dire à cet homme-là qu'il va guérir. Lisons ensemble l'introduction. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus lui répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se leva et s'en retourna, voyant clair. Qu'est-ce qu'on apprend à ce moment ici? Qu'est-ce qu'on apprend au sujet de la situation? Voici un homme, un aveugle-né, donc les aveugles dans ce temps-là n'avaient pas de pension du gouvernement, il n'y avait pas de bien-être social. Soit les familles en prenaient soin, et soit qu'ils devenaient des mendiants, et ils quittaient leur pitance. Et Jésus sort du temple, ici, on a vu ça à la fin du chapitre 7, il sort du temple et voit cet homme-là. Et ses disciples lui posent la question, « Qui a péché, lui ou ses parents? » Parce qu'il y avait une pensée chez les Juifs, que celui qui naissait malade ou infirme c'était une malédiction. C'était une malédiction de Dieu. Il n'était pas béni par Dieu. Ou il avait péché. Cet homme-là avait péché pour qu'il devienne aveugle. Ou ses parents qui avaient fait un péché quelconque. On va voir un peu plus loin que les Juifs vont dire, « Toi qui es né tout entier dans le péché, tu veux nous instruire? » Donc les Juifs, ses disciples se demandent, « Mais c'est qui a péché? » Jésus lui dit, c'est ni un ni l'autre. Jésus n'est pas en train de dire ici que cet homme ou les parents de Jésus étaient des êtres parfaits qui n'avaient jamais péché. Mais il est en train de dire, ce n'est pas à cause d'un péché dans leur vie qui est né aveugle. Ce n'est pas à cause d'un péché de ses parents ou un péché personnel qui serait né aveugle. Mais il dit, Dieu veut se servir de lui pour se manifester. Dieu veut se manifester à travers cet homme-là. Comme on pourrait dire, nous autres, que Dieu veut se manifester à travers tous les êtres humains. Dieu veut prendre tous les êtres humains et se manifester. Manifester veut dire se révéler, se montrer, s'exalter, afin qu'on le voie et qu'on comprenne qui qu'il est. Donc Jésus dit, « Je veux me servir de lui. » C'est pour ça que je lui ai donné cette infirmité-là. Et Jésus dit, je suis ici pendant un temps pour révéler le Père. Je suis la lumière. Il n'est pas la lumière pour moi personnellement, pour que je vois quelque chose que je veux voir. Mais il est la lumière du monde afin qu'on voit le Père. Le but de la lumière, c'est de d'éclairer les humains pour qu'ils voient le Père et en même temps voir le Fils. Ou voir le Fils et en voyant le Père. Si on voit un, on voit l'autre parce qu'ils sont identiques, ils sont pareils. Une lumière qui est mise devant une statue, c'est pas pour qu'on regarde la lumière, c'est pour qu'on voit la statue. Et Jésus dit, je suis la lumière parce que mon rayon de lumière est focusé sur la personne de Dieu, afin que vous le voyez. Il crache par terre, prend sa salive avec un peu de terre, il en fait un peu de boue, et met ça sur les yeux de l'aveugle-né. Et il lui dit, va au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé, lave-toi. Et cet homme-là part, va au réservoir de Siloé, et il se lave. Et il voit clair. On pourrait se poser la question, pourquoi Jésus n'a pas juste mis ses doigts dessus pour les guérir? Pourquoi Jésus n'a pas juste dit un mot et qu'il soit guéri? Pourquoi Jésus a... On a toutes sortes d'idées, là. Mais en le faisant ainsi, et en l'envoyant au réservoir de Siloé, qui était une place très publique, il y avait toujours plein de monde, et il a rendu ce miracle-là public afin que plusieurs le voient et qu'ils puissent glorifier Dieu. Je vais vous mettre quelques photos du réservoir de Siloé afin que vous voyez où est-ce que ça s'est passé. Maintenant, ce miracle-là va enclencher des réactions parmi les gens de la ville de Jérusalem. Ça va amener une réaction. On aurait l'impression que, mon ami, ça va amener une réaction, puis tout le monde va sauter dans les airs, ils vont se réjouir de ce grand miracle, mais pas tout à fait ça qui se passe. Lisons la première réaction de la part des gens du peuple, de ces gens qui le côtoyait, qui le connaissait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme mendiant, disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Jésus, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Donc ici nous avons la première réaction de ses voisins, de ses connaissances, des gens qui l'a côtoyé pendant une partie de sa vie. Plutôt de sauter au cou et de dire « waouh, waouh, waouh », il y en a qui disent « c'est lui », d'autres disent « c'est pas lui ». Là, il lui demande « mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? » Parce que lui, il disait « c'est moi, c'est bien moi, c'est moi le mendiant aveugle, je vois. Qu'est-ce qui est arrivé? » Dit l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, mis ça sous mes yeux, il dit, va au réservoir, lave-toi et tu vas voir, je suis allé, je me suis lavé et je vois. Il lui dit, où est cet homme? Je ne sais pas. Donc ça c'est la première réponse. Pas très enthousiaste, n'est-ce pas? Un peu réservé, tout, au moins cela. Un peu incrédule. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pourquoi ces gens-là ont resté très prudents face à leurs émotions, soit positives ou négatives, face à ce miracle-là qu'ils voient bien qu'il y a eu lieu. Maintenant, nous allons nous tourner vers une réaction de la part des chefs religieux. Les autres aussi vont avoir une réaction, mais un peu plus ouverte. Verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il eut division parmi eux, et ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il a été aveugle et qu'ils avaient pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Donc ça, c'est la première réaction. Les chefs religieux nient. Même si le gars dit que c'est arrivé, même si le gars dit que c'est vrai, même s'il y a des témoins qui l'ont vu, même s'il y a des témoins, on ne le croit pas, c'est pas lui. Et la raison fondamentale, c'est qu'il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas être de Dieu, il ne peut pas être vrai, parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. On dirait un peu moche, hein? C'est un peu moche comme réaction. Pourquoi est-ce qu'ils ne se réjouissent pas? Cet homme-là est une manifestation de Dieu. Dieu manifeste sa gloire, Dieu manifeste sa puissance, mais il le rejette cela. Donc, ils ont dit, on va faire venir les parents voir. Et les parents, on va voir si c'est vrai, que c'est bien lui et qu'il est bien né aveugle. Donc, on va voir une troisième réaction. Là, ça devient très personnel. C'est pas des voisins, c'est pas des chefs religieux, c'est ses propres parents qui vont voir le miracle qui a été fait par Jésus, et on va voir leur réaction. Et ils les interrogèrent, verset 19, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Et il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Et remarquez bien maintenant la raison. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu de sa synagogue ou de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Donc, les parents aussi nous révèlent la raison de toute ce retient bien d'émotion ou d'exaltation ou d'expression de ce qui s'est passé. Ces gens-là sont sous un joug religieux, des gens qui les menacent de les exclure de l'Église. S'ils continuent à dire que Jésus était le Messie, ou que Jésus était un prophète, ou que Jésus venait de Dieu, et ces gens-là préférant être acceptés par les hommes, ils nient l'histoire ou le témoignage de l'aveugle-né. Ils rejettent le témoignage de leur propre fils au sujet de Jésus, parce qu'ils ne veulent pas être rejetés par les pharisiens ou les chefs religieux et de la synagogue. Mais continuons notre histoire pour arriver à la grande déclaration qu'on veut connaître. Nous, maintenant, les pharisiens les pharisiens appellent l'homme pour une deuxième fois. Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur à cause du sabbat, selon eux. Mais donne gloire à Dieu, c'est Dieu qui t'a guéri. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Et lui dirent, « Qu'a-t-il fait? Comment as-tu ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Et l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus nous a dit au début, je vais utiliser cela, cet homme-là, pour manifester Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Dieu se manifeste en guérissant un aveugle-né par les mains de Jésus, même s'il n'avait pas vu en Jésus Dieu fait chair. Mais s'il avait dit, Dieu a manifesté sa bonté, sa grâce, a manifesté sa puissance en guérissant cet homme-là à travers Jésus, au moins on pourrait essayer de comprendre ce qui se passe. On pourrait comprendre qu'il y a de l'ignorance dans leur vie encore. Mais ici, ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la méchanceté. C'est de la rébellion envers Dieu et envers Jésus-Christ. Et nous voyons, comment je peux voir ici une manifestation de la nature humaine? J'écoutais dernièrement quelqu'un qui parle du bouddhisme et de la façon qu'il parle de l'être humain, je me suis dit, je ne sais pas où est-ce que tu as pris tes informations par rapport à l'être humain, mais ils sont contradictoires avec la personne de Jésus, ce que Jésus a dit. Jésus n'a jamais enseigné ça. L'être humain rejette Dieu. Dieu se manifeste et on le rejette. Jésus était Dieu fait chair. Et on l'a rejeté, on l'a crucifié finalement. C'était la manifestation suprême de Dieu et on l'a crucifié. On l'a tué. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est François Nollet en tant qu'être humain. Quand ça allait bien dans ma vie, je me vantais, j'avais réussi. Que ce soit financièrement, physiquement, moralement, quand je faisais quelque chose de bien, c'était moi qui l'avais fait. Et je m'en vantais. Quand ça allait mal, je maudissais Dieu. Même j'utilisais son nom pour sacrer. Je sacrais après mes vaches, je sacrais après mon tracteur, je sacrais après ma chaîne, je sacrais après n'importe qui était autour de moi. J'utilisais le nom de Dieu parce que j'étais rebelle à ce que Dieu était en train de faire dans ma vie, ou Dieu permettait ça dans ma vie. Soyez toujours prudents où vous allez chercher votre information par rapport à l'être humain. Qui peut définir l'être humain? Qui peut dire c'est quoi un être humain? Nos philosophies mondaines, nos philosophies sociales, culturelles, nous décrivent l'être humain de toutes sortes de manières. Gentil, c'est un petit ange, il est venu au monde bon, sa société qui le rend mauvais, l'être humain est capable de grandes choses, puis on nous en met plein les oreilles, surtout avec le New Age. J'écoutais quelqu'un dans l'humain qui disait « Je suis la lumière, j'aime, je suis l'amour ». Qui peut dire c'est quoi l'être humain? La Bible nous dit, Dieu seul peut définir l'être humain. Parce que c'est lui qui l'a créé. Et il l'a vu tomber, il l'a vu devenir pécheur Soyons prudents. Et en regardant ce texte-là, on peut se poser la question, mais comment je suis venu au fait d'être capable de croire en Dieu? Comment je suis venu au fait de croire que je suis, que Dieu disait vrai, que je veux me soumettre, que je veux aimer Dieu, que je veux servir Dieu? Parce qu'on était, nous autres aussi, comme ces gens-là. Nous allons voir demain, parce que le temps passe, nous allons voir demain le résultat de la vie, le résultat de cette rencontre avec Jésus dans la vie de l'aveugle-né et dans la vie des gens qui sont autour de l'aveugle-né. Deux réactions complètement opposées. Un va être le rejet de Dieu et l'autre va être l'adoration de Dieu. Notre Père du ciel, merci, merci que tu ne nous as pas abandonnés comme tu aurais pu abandonner cet homme-là, assis là, aveugle et mendiant. Tu as décidé de l'utiliser pour te manifester. Merci que nous, qui étions aussi des aveugles spirituels, tu vas arrêter devant nous, tu vas t'arrêter, tu vas vouloir nous utiliser, nous prendre et de faire de nous des manifestations de la gloire de Dieu. Nous qui étions rebelles, nous qui étions fermés, nous qui avions la crainte des hommes, tu vas agir dans nos vies, tu vas faire un miracle dans nos vies afin qu'on puisse t'adorer et te servir. Donc, garde-nous toujours, Seigneur, dans cette vérité qui est ta parole. Amen.